vous avez dit que l'origine du reggae provient du cœur de l'Afrique. Je pense, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Je pense que Bob Marley, à chaque fois qu'il parlait de l'Afrique, il parlait de l'Afrique comme son origine. Il parlait de l'Afrique comme son pays des rêves. Et il a même dit dans une des interviews un jour, il y a très longtemps de cela, il y a 35 ans, il a dit dans une de ses interviews, il a dit qu'un jour, le reggae retournera à la source. Et que quand le reggae sera la source, donc il parle de l'Afrique, le reggae prendra sa vraie place. Donc aujourd'hui, voilà, nous disons que nous sommes là pour concrétiser cette prophétie, le fait que nous faisons du reggae en Afrique et que nous contribuons au réveil de l'Afrique, à l'éveil des consciences. Et je pense qu'aujourd'hui, le reggae joue un rôle très, très important, en tout cas au niveau de l'Afrique. Parce que tous ceux qui font le reggae est vu aujourd'hui en Afrique, de l'Afrique du Sud à la Côte d'Ivoire, le reggae est vu comme une musique à message, une musique qui dit des choses. Donc, effectivement, je pense que la racine du reggae, c'est l'Afrique, puisque Bob Marley, en tant que prophète du reggae, s'est toujours réclamé de l'Afrique. Justement, dans votre album Racine, vous reprenez les grands classiques du reggae qui évoquent des thèmes comme le racisme. Vous revisitez l'histoire aussi avec Christopher Columbus, où vous parlez encore du respect des droits humains fondamentaux. Ces enjeux qui sont toujours d'actualité reflètent une certaine lenteur des transformations sociopolitiques. Est-ce que vous êtes optimiste? Moi, je suis optimiste. Effectivement, j'ai repris ce titre-là parce que je pense que ce titre, les messages, les textes de ce titre sont encore d'actualité. « Is it because I'm black ?» Quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, des policiers blancs qui tirent sur des Afro-Américains parce qu'ils ont refusé d'obtempérer, en fait, voilà. Et donc, Get Up, Stand Up, c'est un titre qui est encore d'actualité pour nous, les Africains en tout cas. Mais je reste optimiste. Parce que vous savez, nous n'avons que 55 ans d'âge. Nous avons été libérés de la colonisation en 1960. Moi, j'ai 47 ans. Et je fais partie de la toute première génération libre d'Afrique. C'est-à-dire quand les pays africains ont eu leur indépendance, j'avais 7 ou 8 ans. Donc voilà, c'est des pays jeunes. Quand vous comparez l'âge de l'Afrique, des pays africains, à l'âge du Canada en tant que nation, que vous comparez l'âge des pays africains à l'âge des États-Unis ou de la France en tant que nation, vous verrez que c'est un petit gamin à côté d'un adulte. Donc ce gamin-là, il a besoin d'expérience. Il a besoin de tout apprendre. Il a besoin d'aller à l'école. Il a besoin d'aller à l'école de la démocratie. Il a besoin d'aller à toutes les écoles, finalement, pour avoir de l'expérience. Et je pense que quand il aura de l'expérience, dans un siècle, il sera peut-être au même niveau que les pays dits aujourd'hui, pays stables, pays démocratiques, ou pays développés. Donc, voilà. Moi, je suis optimiste. Je suis optimiste. Évidemment, il y a tout un travail à faire, il y a des obstacles. Mais des obstacles, il y en a eu aux États-Unis, il y en a eu au Canada. Quand vous regardez dans l'histoire du Canada, vous regardez dans l'histoire des États-Unis, vous verrez qu'il y a eu des obstacles, mais qu'il a fallu remonter ces obstacles-là pour pouvoir arriver au niveau où ces pays sont aujourd'hui. Donc, pour répondre à votre question, je dirais que, vu l'âge de l'Afrique, vu d'où on vient, je suis optimiste. Vous considérez que les artistes sont un moteur de transformation sociopolitique nécessaire à l'intérêt commun en Afrique? Oui, en Afrique et un peu partout dans le monde. Je pense que partout dans l'histoire des pays, vous verrez qu'il y a eu des artistes. Ça peut être des chanteurs, ça peut être des dessinateurs, ça peut être... Voilà, les artistes ont toujours contribué au changement des mentalités, à l'éveil des consciences. Donc je pense que dans le cas de l'Afrique aujourd'hui, effectivement, les artistes ont un rôle important à jouer et c'est ce que nous essayons de jouer. Quand je dis nous, c'est déjà ceux qui sont très connus, qui essaient de parler de ce continent et sur le continent et à l'extérieur, mais aussi des milliers d'artistes qui n'ont pas la chance d'avoir la notoriété que nous on a aujourd'hui et qui font un travail formidable dans leur pays. Et quelle est la fonction de la musique au regard de l'émancipation politique? Je pense que la musique sert à éveiller les consciences. La musique sert à informer, la musique sert à éduquer. Voilà, je pense que c'est ce rôle-là que la musique joue aujourd'hui. Quelle est votre perception face aux soulèvements récents de la société civile en Afrique? Je pense particulièrement aux mouvements comme le Ballet citoyen ou encore Il y en a marre au Sénégal, mais d'autres aussi qui émergent en Afrique centrale, par exemple. Beaucoup d'espoir. Ça nous a donné beaucoup d'espoir parce que s'il n'y avait pas eu des mouvements comme ça, on allait croire qu'on chante dans un désert. On allait désespérer un moment, on allait se dire, bon, ça ne sert à rien parce qu'on parle à des gens qui ne comprennent pas. Voilà. Donc, ça fait plaisir. Je pense que ça nous a donné beaucoup d'espoir. Ça nous a donné beaucoup d'espoir. Ça veut dire que nous sommes écoutés. Ça veut dire que nous sommes en train de jouer notre rôle parce que ce soit le ballet citoyen où il y en a marre, je dirais que c'est des gens qui ont écouté un peu notre musique. Quand je dis nous, ils ont écouté Lucky Dubé, ils ont écouté Bob Marley, ils ont écouté Alpha Blondie, ils ont écouté Tikenja. Donc c'est tous ces messages-là qui les ont amenés à prendre la direction qu'ils prennent aujourd'hui. Donc il y a le mouvement Ça suffit au Tchad, le mouvement Filimbi et la Lucha au Congo-Kinshasa, le mouvement Yanama au Sénégal, le mouvement Ballet citoyen au Burkina Faso, et je suis sûr qu'il y aura d'autres mouvements dans les autres pays. Et donc, ces mouvements-là vont permettre de faire exister une vraie société civile qui va forcément contribuer à réveiller les populations. Et je pense que ça va pousser les hommes politiques, les dirigeants de nos pays à se comporter autrement. Pourquoi ne pas vous investir en politique directement là où il est possible de diriger les corps du pouvoir? Il y a deux raisons. La première raison, c'est que Bob Marley n'a pas fait de politique, ne s'est pas engagé dans la politique. Et moi, j'essaie de suivre un peu le chemin tracé par Bob Marley. J'essaie de continuer le combat de Bob Marley. L'autre raison, c'est que si je m'engage en politique en Côte d'Ivoire, je ne peux plus parler du Sénégal, je ne peux plus parler du Burkina Faso, sinon ça serait une ingérence dans les affaires de tel ou tel pays. Donc, je pense que le rôle que je joue aujourd'hui, en tant que musicien, je considère que ma musique, c'est un peu la branche musicale de la société civile africaine. Et je pense que c'est un rôle très important et je compte m'en maintenir à ça. Voilà, je n'ai jamais pensé à occuper un poste politique. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, le rôle que je joue aujourd'hui avec ma musique est un rôle important. Je pense que je le dis modestement, je peux peut-être mal placé pour le dire. Mais je vois un peu tout ce que les jeunes disent sur les réseaux sociaux. Je pense que nous sommes en train de contribuer en tout cas à l'éveil des consciences et je pense que c'est un rôle très important et je pense qu'il faut rester là. Est-ce que vous croyez que le panafricanisme est nécessaire à l'unité africaine? C'est important, le panafricanisme, c'est très important. Aujourd'hui, moi, j'ai décidé de rester au Mali parce que, voilà, je considère que le Mali, c'est mon pays aussi, au même titre que la Côte d'Ivoire. Tout le monde me dit, va en Côte d'Ivoire, retourne en Côte d'Ivoire, ça va maintenant. J'ai dit, non, mais moi, je suis bien au Mali et le Mali, c'est un peu mon pays. Je pense que l'unité africaine est indispensable au progrès de l'Afrique. Les États-Unis d'Afrique, c'est quelque chose de très important. C'est peut-être un rêve, mais j'espère que nos enfants et nos petits-enfants viendront concrétiser ce rêve-là. 54 pays africains, avec toutes les richesses dont regorgent nos pays, avec toute cette population jeune, en 2050, nous serons 2 milliards. Et nous sommes sollicités par tous les pays puissants. La Chine folle de l'Afrique, si je peux dire ainsi. Comment on appelle l'Union européenne, que ce soit le Canada ou les États-Unis, toutes les entreprises de ces pays-là sont en Afrique. Donc, ça veut dire que nous avons des choses dont ils ont besoin. Donc, le problème, c'est que nous ne gagnons pas la grande partie du gâteau parce que nous sommes faibles. Nous sommes affaiblis par notre division. Nous sommes affaiblis parce que nous sommes dispersés. Donc, le jour que nous serons ensemble, que nous allons représenter 54 pays et un bloc et que nous allons parler d'une seule voix, nous allons représenter un gros bloc que les gens seront obligés de respecter. Et donc, je pense que c'est ce qui nous manque. Donc voilà, je pense que l'unité africaine est indispensable à notre survie finalement. Et donc c'est très important. Même si nous n'arrivons pas à nous unir, à mettre les États-Unis d'Afrique en place, il faut absolument qu'on plante la graine, qu'on l'arrose, et de telle sorte que nos enfants viennent cueillir des fruits. Le rôle de la diaspora africaine pour participer à cette unité, selon vous? La diaspora africaine a un rôle très important. Vous savez, les Frank Fanon, les Malcolm X, Martin Luther King, tous ceux-là se sont réveillés même avant les leaders africains. Et c'est après des voyages de certains leaders africains aux États-Unis ou au Canada ou en France, en fait, à l'extérieur, quand ils sont partis, qu'ils ont été galvanisés par la diaspora africaine. C'est eux qui ont galvanisé les dirigeants africains de l'époque pour leur dire « Allez réclamer l'indépendance, allez arracher l'indépendance. » Et donc, jusqu'à aujourd'hui, cette diaspora, parce qu'elle vit, c'est une diaspora qui vit dans des pays démocratiques, dans des pays où il y a la liberté d'expression, il y a des pays où il y a la liberté de penser. Donc, voilà, c'est une diaspora libérée. Donc, elle a un rôle très, très important. Elle a un rôle important. Et donc, j'espère qu'un jour, lorsque la plupart, en tout cas, d'entre eux, vont acquérir de la connaissance, vont avoir des diplômes, vont savoir faire des travaux, j'espère qu'ils vont retourner en Afrique pour apporter leur soutien au développement du continent africain. Ça, c'est mon espoir. Votre message le plus important pour la jeunesse d'aujourd'hui, ici et partout dans le monde? Mon message le plus important pour la jeunesse d'aujourd'hui, c'est dire que l'Afrique a besoin de nous. Que l'Afrique a besoin de nous. Quand je vois aujourd'hui nos frères, c'est vrai, il y a des difficultés en Afrique, mais fuir les difficultés au lieu de les affronter, mais fuir aller se suicider dans l'océan, j'ai mal au cœur. Les millions de jeunes Africains qui quittent l'Afrique et en allant et qui meurent en pleine mer, j'ai mal. Et donc mon message, c'est de dire aux jeunes Africains, quelles que soient les difficultés, l'Afrique a besoin de nous pour la lutte pour la démocratie. L'Afrique a besoin de nous pour la lutte pour le développement. L'Afrique a besoin de nous pour amener nos dirigeants à gérer nos richesses comme il faut. Et donc, cela ne peut pas se faire si on fuit. Il faut affronter les problèmes. Et donc, voilà, ça, c'est mon message. Et ceux qui sont en Afrique, je leur dis, ne pas négliger l'agriculture. Il y a beaucoup... Vous savez, aujourd'hui, dans beaucoup de pays africains, on parle de crise alimentaire. On parle de prix d'arrêt alimentaire sont très élevés. Mais c'est pas surprenant. À partir du moment où les jeunes qui cultivaient, nous, moi, quand j'avais 10, 11 ans, tous les week-ends, j'allais au champ. Mon oncle qui m'a élevé, il avait 3 épouses. Chaque épouse avait son jardin de tomates, d'oignons, en tout cas, tout ce qui va dans la sauce. Et lui, mon oncle, il avait son champ de maïs, son champ de riz, son champ de mil, etc. Et donc, pour nourrir 15 personnes, il donnait peut-être 3 centimes d'euros. Pour même, voilà, 200 francs CFA qu'ils donnaient pour nourrir, parce que simplement il y avait tout à la maison. On avait tout à la maison. Il y avait tout ce qui va dans la sauce avec nos mamans, tout ce qui va dans la marmite, en fait, du riz, enfin, dans l'autre marmite. Mon oncle, il avait tout. Donc aujourd'hui, tous les jeunes s'en vont. Ceux qui sont dans les villages partent dans les grandes villes. Ceux qui sont dans les grandes villes veulent aller au Canada ou aux États-Unis ou en France pour aller aider les États-Unis ou le Canada à se développer. Donc voilà, mon message aujourd'hui aux jeunes, c'est de leur dire que notre place est en Afrique. Que si nos ancêtres étaient tous partis, peut-être que nous serions encore esclavagisés. Que si nos parents étaient tous partis, que peut-être que nous serions encore colonisés. Ils sont restés sur place, ils se sont battus, ils ont amélioré nos conditions, et donc nous avons le devoir de rester sur place et de nous battre pour améliorer le futur pour nos enfants et nos petits-enfants. Tikhanja Fakoly, je vous remercie pour cette entrevue. C'est moi qui vous remercie.